je me méfie des miens. Barreau comme Trevor sous crack, mat au volet, même sirène, si passe, faut taille à calcutard. Quand résonne les sirènes, je panique, là, je me sens traqué par ma folie. Extirpé de mes rêves, je vois toutes ébène là où couleur attire. Je fais partie de ceux qui resteront sur le navire, même si je coupe dans les docks et que les secours arrivent. On a grandi dans le piège, on y reste pour le pire. Dieu, suis-moi dans mon délire. Je l'entends pas qui mérite. J'éteins, souhaite que je t'irai. Fois quand ma part nous rapporte mes pensées, j'ai capté ce qu'elle s'appâte. Nique, ça mène à quoi? Je veux pas qu'une fille pieuse et rassoir, mais je crois que j'ai pas pris de meilleure voix. Ça me chuchote à l'oreille, t'es goumé. Viens, on rappe ça après, gâche taille, viens 3-4 bails, j'aurais besoin de bazar. Fais pas cake, même si Lyon, c'est blafard, parle pas. J'ai pas mis tes mon dans le code. J'ai pas dit que c'était la bonne solution. À deux doigts de perdre contrôle. Mon cœur a croisé l'œil de Méduse. Ici bas là où certains finissent vie, AB des enfers. Je fume des cartes et je bois des clones. Le temps m'écrase et j'en fais pas des tonnes. La plume aiguisée, sa vie sert le tosman. Le silence est d'or, ton avis c'est du talkman. Paro comme d'hab, je vais veiller dans un cauchemar. Roche bad, je m'arrive et je t'emmerde. Ici bas là où certains finissent vie, AB des enfers. Je fume des cartes et je bois des clopes. Le temps m'écrase et j'en fais pas des tonnes. La plume aiguisée, sa vie sert le tosman. Le silence est d'or, ton avis c'est du talkman. Paro comme d'hab, je vais veiller dans un cauchemar. Roche bad. Bon, par recommencer, j'ai merdé plus d'une fois, je compte pas recommencer. Ma cabesse, une zone friche, je compte les paroles qui m'encerclent. Pareil qu'on m'insère, je paro comme un serbe. Hakuna Matata, la basta. Pull up, ça level up, jamais je dis basta. Ici, pas vu que l'avenir en peste. Fais report homme, ça se plutôt bête, couleur peste. Ou posté, j'écoute pas que sur le poste. Everyday, la poisse, me suis prêt, la flamme en guise de passe-temps. T'es que te remplace les punaises, mes posters. Par mes démons, je suis pisté. God bless me, la pureté habille mon cœur, j'agis, je regrette terre comme Edith. J'essaie de croquer la if, c'est pas comestible. Mentalité HH, cop m'élite. Écrit, je récite des palabres, maîtrise les rimes, là, je me balade. Exquise sont les skills, précis sont les tirs. Après, s'ils sont étire-toi. Y'a R qui canalise majeur à la haine, s'intensifie, j'ai juré. Elle a tourné comme un gyro, ego pourtant toi tu l'as géré. Je m'arrive et je t'emmerde. C'est pas là où certains finissent, vie, AB des enfers. Je fume des cartes et je bois des clopes. Le temps m'écrase et j'en fais pas des tonnes. La plume aiguisée, sa vie sert le tosman. Le silence est d'or, ton avis c'est du talkman. Paro comme d'hab, je vais veiller dans un cauchemar. Roche bad, je m'arrive et je t'emmerde. C'est pas là où certains finissent, vie, AB des enfers. Je fume des cartes et je bois des clopes. Le temps m'écrase et j'en fais pas des tonnes. La plume aiguisée, sa vie sert le tosman. Le silence est d'or, ton avis c'est du talkman. Paro comme d'hab, je vais veiller dans un cauchemar. Roche bad.